ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Beethoven, son génie musical et la légende qu'il est devenu. Beethoven, quant à moi, lui-même est l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais vécu sur cette terre. L'homme qui est capable de composer la 9e symphonie, qui est capable de composer le 5e concerto, enfin tout le reste, et qui est sourd, c'est incroyable. Beethoven fait probablement partie de ces quelques grandes figures, et elles sont peu nombreuses dans l'histoire du monde, à avoir réussi à se transformer en véritable demi-dieu aux yeux de leurs admirateurs. Pour l'homme d'affaires québécois Pierre Péladeau, de passage à l'émission En direct en 1992, la musique de Beethoven est si grande et si puissante qu'il est pour lui l'homme le plus extraordinaire à avoir vécu sur Terre, rien de moins. Que nous laisse Beethoven sur Terre est immense. Et la preuve, ça nous nourrit depuis des générations et des générations, et c'est pas fini. Parce que Beethoven, c'est le culte de la joie dans une vie particulièrement pathétique et douloureuse. Je veux dire, cet homme qui était aimable, bon vivant, bienveillant envers ses amis, est atteint dans ses 25-28 ans de surdité. Il ne pourra plus communiquer avec ses proches que par des cahiers. Il va se refuser aux histoires d'amour alors qu'il est perpétuellement amoureux, parce qu'il ne veut pas imposer son infirmité à une femme. Il ne va plus entendre ses œuvres, à part dans sa tête. Eh bien, cet homme-là, c'est quand même celui qui finit sa vie de créateur par la 9e symphonie, qui est un hymne à la joie. Alors, je suis allé, moi, me réchauffer dans la force de Beethoven et essayer de comprendre comment on pouvait exalter la vie, comment on pouvait se mettre volontairement du côté de la joie. Sur la musique de Beethoven, la sonate au clair de lune, la 5e symphonie, puis l'hymne à la joie, bien sûr, vous entendiez Éric-Emmanuel Schmitt, auteur, entre autres, du livre « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ». Éric-Emmanuel Schmitt, qui était au micro d'un certain Mario Paquette à l'émission « Les soirées classiques » en février 2016. Mario Paquette, animateur à la retraite d'ici musique, qui est justement, ça tombe bien, notre invité pour parler de Beethoven. Bonjour Mario. Bonjour Jacques. Bon retour à la maison. Merci beaucoup, ça fait tout drôle. C'est un plaisir. Oui. De vous recevoir. Vous avez entendu un peu Éric-Emmanuel Schmitt, que vous aviez donc interviewé il y a quelques années, parler de son Beethoven. Vous avez entendu Pierre Péladeau parler de son Beethoven. Parlez-moi du vôtre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Écoutez, Jacques, il y a ce mot de Paul Valéry. Beethoven me donne du génie. J'ai toujours aimé cette phrase parce que je me suis toujours senti plus intelligent. Il y a de ces compositeurs qu'on écoute. La même chose chez Bach. Bach me donne du génie. Mozart m'en donne aussi. Alors, Beethoven, il est à la fois populaire, visionnaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire encore aujourd'hui, c'est qu'il parle aussi bien à monsieur, madame, tout le monde qu'aux artistes, qu'aux intellectuels les plus exigeants, et cela 190 ans après sa figure mort. Emblématique aussi. On pense à un grand compositeur de musique classique. C'est une des images, peut-être la première qui nous vient en tête. C'est l'image iconographique par excellence. Le fait qu'il était sourd, tout ça. Bon, le mythe de Beethoven s'est construit de son vivant, en quelque sorte, avec cette surdité et ses idéaux. Hein, on est en pleine période de la Révolution française. Il avait une admiration pour Napoléon, on va y revenir, avec la 3e symphonie. Mais c'est de faire entrer dans la musique une dimension philosophique, cette musique qui peut nous aider à mieux vivre, finalement. Un mot sur ses origines. Il est né à Bonn, en Allemagne, en 1770. Ce qu'on peut dire tout de suite, Mario Paquette, c'est que vraiment, chez les Beethoven, à peu près tout le monde est musicien. Oui, tout à fait. Alors, son grand-père est fils d'un boulanger flamand de Malines, d'où le van. On pense parfois que le van, c'est allemand. Non, c'est flamand. Ouais. Alors, il est arrivé, s'est installé à la cour de Bonn. Bonn est une ville d'à peu près 11 000 habitants. C'est le siège de la cour de l'électeur de Cologne. Donc, trois générations de Beethoven qui sont musiciens, qui travaillent à la cour. Et le jeune Ludwig va donc grandir dans ce milieu de professionnel de la musique. C'est important de le dire d'entrée de jeu. C'est son père qui va l'initier au clavier. Et pour accentuer son côté prodige, il va même le rajeunir d'un an lors de son premier concert à la cour. Et il va écrire qu'il a 6 ans alors qu'il en a 7. Son père veut en faire une sorte de Mozart, veut le faire passer pour un Mozart, mais ça n'ira pas très loin. Bref, on fait beaucoup de musique à la maison. Il joue du clavier, il joue du violon, va aussi jouer de l'alto au sein de l'orchestre de la cour. Et là, il y a une personne très importante qu'il va rencontrer, qui aura une influence déterminante chez lui. C'est Christian Gottlob Neffe, qui est directeur musical du Théâtre national de Bonn, qui est organiste en titre. Il est donc très important pour lui. Et c'est lui qui va permettre au jeune Ludwig, notamment, de toucher l'orgue à 11 ans et demi. Incroyable. On oublie parfois qu'il a été aussi organiste. Alors, il va l'introduire dans le monde de la littérature. Il va lui présenter Shakespeare, les opéras de Salieri, de Gluck, de Mozart notamment. Et peu après, à son arrivée à Vienne, Beethoven va rendre un hommage très, très grand à celui qui a été ce grand maître, ce formateur. Oui, alors, okay, Mozart, et ça, on va y revenir, mais quand même, vous parlez des tout débuts, de sa formation, de ses années de formation. Et ce qu'on va entendre tout de suite, c'est sa première composition. Il a 11-12 ans quand il compose ceci. Des 9 variations sur une marche de Dressler, 11-12 ans, à peu près cet âge-là, première composition de Beethoven. Ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre, Mario Paquette, sur ce qu'il va composer après? Jacques, c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà des traits de sa personnalité qui sont affirmés dans cette musique. Il va être le meilleur, se fait un devoir d'intégrer les nouveautés par toutes sortes de tournures inhabituelles dans cette musique pour un petit gars de 11 ans. Incroyable, il a donc ça. Intégré Carl Philipp Emanuel Bach. Ça ressemble à certaines musiques de Carl Philipp Emanuel. C'est une marche. On sait à quel point les marches vont avoir une grande importance dans sa musique, les marches funèbres notamment, et cette tonalité de do mineur qui va revêtir dans les œuvres à venir un caractère héroïque. Il y a la fameuse sonate pathétique, le troisième concerto pour piano, la cinquième symphonie, la grande fantaisie chorale qui va devenir le final de la neuvième est aussi en do mineur. Alors déjà, il y a quelque chose qui est nommé dans tout ça. Sa ville, vous l'avez évoqué, sa ville d'adoption, c'est Vienne. En 1792, il s'installe à Vienne, Beethoven, et c'est là où il va passer toute sa vie. À quoi vont ressembler donc ses premières années à Vienne? Ben, écoutez, il est très sédentaire, hein, Beethoven. Il va passer sa vie à Vienne, comme vous le dites. Et Vienne, c'est la ville qui offre le plus de chance à un musicien à cette époque. Et comme Mozart avant lui, Beethoven est un musicien libre. Il va devenir très vite un compositeur indépendant. Mozart s'était affranchi du prince-archevêque de Salzbourg pour poursuivre sa carrière à Vienne. Et il sera au service de personnes, mais va bénéficier de commandes, de pensions substantielles que vont lui verser sur l'ensemble de sa carrière, une quinzaine de familles de l'aristocratie. Alors, on reconnaît son talent. Donc, quand on lit sa correspondance, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu un petit peu de problèmes financiers, toujours préoccupé un peu par l'argent. Alors, très vite, il va se faire un nom comme virtuose du clavier. Il compose des œuvres qui conviennent au goût de cette société, des variations sur des airs à la mode, des danses pour orchestre qu'il va transcrire pour clavier. Et on s'aperçoit très vite à quel point c'est un travailleur acharné. Ouais. Alors, là, on arrive pour se faire un nom à Vienne. Eh bien, il y a la musique de Mozart. La musique de Mozart est encore vraiment très, très, très présente dans la capitale autrichienne. Et Beethoven va le comprendre très vite. Voilà. Se vuol ballare, signor continuo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. parlez-nous de cette petite variation autour des Noces de Figaro, Mario Paquet. On a eu l'extrait de l'air, c'est voile ballare, signor continuo, si monsieur le comte veut danser. C'est donc un air qui est tiré des Noces de Figaro. Et Beethoven va faire un hommage à Mozart. Alors, on a entendu l'air chanter de Mozart. Ben oui. Et après, c'est cette série de variations. Et là, avec Daniel Sepec, qui était au violon, il jouait sur le violon de Beethoven. Incroyable. Et c'est un piano forte. Andreas Steyer jouait sur un piano forte grave des années 1820, avec lequel, plus tard, Beethoven était familier. Oh. Alors, vous voyez la belle carte de visite. Hein? Tout le monde fredonne les airs de Mozart à Vienne. Beethoven se dit, OK, moi, je vais entrer par cette porte grâce à Mozart. Et Beethoven a 25 ans lorsqu'il commence à composer pour le piano forte. Et c'est un instrument, Jacques, qui va se transformer pour devenir l'instrument par excellence des romantiques. Et Beethoven va pousser, va travailler avec des facteurs de piano. Hein? On va pousser les limites du clavier. Ouais. Et toute sa littérature, ses 32 sonates pour piano, quand on les écoute, ce que ça dit, c'est que ça, c'est un témoignage de l'évolution de cet instrument. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Alors, c'est une époque de transition pour le piano. Beethoven s'y intéresse de près. Et il en va de même aussi pour les instruments de l'orchestre. Dès qu'il y a un perfectionnement technique qui apparaît, Beethoven est très attentif, va se hâter de l'utiliser. Il va réclamer que les techniciens lui fournissent des instruments dont il a besoin. C'est presque de la R&D, on dirait aujourd'hui, de la recherche et développement. Il est vraiment à l'affût tout le temps. Complètement. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Alors, il travaille. On a besoin de plus de sensibilité pour le clavier. Donc, c'est ce qu'il va aller chercher. Ouais. Il va travailler avec les facteurs. Tu vas me donner... Il entend quelque chose. Ouais. Il voit un son de piano et il voit les possibilités de cet instrument. Piano, mais les cordes aussi qui viendront. Ah ben oui, bien sûr. Autre monument de la musique occidentale... il y a les symphonies, il y a les concertos, les 32 sonates, mais les 17 quatuors à cordes. Et là, on est dans mon univers à moi de prédilection, Jacques. Beethoven n'a pas inventé de forme nouvelle. Il s'en sert et joue constamment avec leurs limites. Il faut dire, là, c'est l'occasion de rappeler qu'il a été l'élève de Haydn. Haydn, qui est le père du quatuor à cordes. Il a regardé les quatuors de Mozart. Il s'intéresse à tout ce qui s'écrit. Hein. Il demandait à ses éditeurs de lui apporter des partitions. Il découvre. C'est un déchiffreur incroyable. Il y a une connaissance des musiques anciennes. Donc, c'est Quatuor à cordes, le premier recueil sur lequel il va travailler beaucoup. 6 quatuors de l'opus 18. Et là, il y a le dernier mouvement du 6e et dernier quatuor de ce recueil qui commence de façon dramatique et bouleversante. Et qui nous dit déjà quelque chose sur cette surdité qui est en train de le gagner. J'ai l'impression qu'on entend presque cette angoisse de la surdité naissante, Mario, dans ce quatuor-là. Mais complètement, Jacques. Ouais. Et c'est au terme du parcours des premiers quatuors à cornes, dans le dernier mouvement du 6e de l'opus 18. Et là, la malicogna, la mélancolie, mais c'est le drame qui est en train de vivre. Parce que dès 1797, il y a les premiers signes de surdité qui commencent à apparaître. Alors, il est jeune. Il est très jeune. Et quelques années plus tard, en 1805, déjà des difficultés à entendre les instruments avant, lors des concerts. Il y a des acouphènes. Alors, il a recours à des cornets acoustiques à partir de 1814, va devoir cesser de se produire comme pianiste. C'est un excellent pianiste. À partir de 1808, ne peut plus communiquer uniquement avec des carnets de conversation qu'à partir de 1818. Bref, il va s'emmurer peu à peu dans le silence. Et on oublie souvent de le dire, la première représentation publique de la fameuse 9e, dont on va entendre un extrait en fin de parcours, en 1824, à Vienne, il est, mais totalement sourd. Ouais. Alors, et là, il y a un document qui est assez extraordinaire pour les chercheurs, qui a été publié uniquement après sa mort. C'est le fameux testament d'Heiligenstadt. Et là, il décrit à son frère qu'est-ce qui se passe. Alors, il y va, je le cite, « Imaginez-vous que depuis 6 ans, je suis atteint par un mal incurable qui s'est aggravé. » Alors, il n'entend plus le son de la flûte, n'entend plus le chant des bergers et il songe à mettre fin à ses jours. Et c'est tellement dramatique. Quand on dit ça dans le texte, on se dit « Mais ma foi !» Et c'est lui-même qui va le dire. Seul l'art l'a sauvé du désespoir et lui a donné la force de supporter cette, et je cite, « vie misérable ». La troisième symphonie dont on vient d'entendre un extrait, ça reste, Mario Paquette, l'une des œuvres les plus marquantes de Beethoven. Pourquoi, Mario? Ben, c'est la symphonie héroïque et d'abord, c'est celle qui va lui permettre de vaincre cette crise liée à la surdité. Alors, héroïque, pourquoi? La musique le sauve, il avait raison, l'art le sauve. Mais complètement, il va plonger là-dedans. Encore une fois, quand on regarde ses carnets, c'est un chercheur. Il passait la matinée à sa table de travail, mais le reste de la journée, il marchait. C'est un grand marcheur. Il va aller à Heiligenstadt, justement, c'est en banlieue de Vienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Il note ses idées dans un carnet et on a ses carnets. Alors, on peut suivre à la trace la progression de ce génie. Et il faut revenir un peu sur le contexte. Beethoven vit à l'époque de la Révolution française, des guerres napoléoniennes. Et cette symphonie héroïque, eh bien, il veut célébrer la mémoire de Napoléon. Mais voilà, Napoléon va se transformer en tyran. Ouais. Alors, il va devoir effacer sa dédicace. Il va, au profit de son mécène, finalement, le prince Lobkowitz. Et Beethoven est aussi influencé, et ça c'est fondamental, par des références antiques, via Plutarque, Goethe, Schiller, qui va nous donner le poème de l'Ode à la joie, et qui se sont inspirés de ce mythe de Prométhée. Alors Prométhée, qui c'est? Dans la mythologie, c'est le bienfaiteur du genre humain. Zeus, déçu par la méchanceté des hommes, envisage de les détruire, alors que Prométhée, lui, va se faire leur défenseur. Il y a un ballet qui s'appelle « Les créatures de Prométhée », mais Beethoven, donc, est très près des idéaux de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. À Vienne, il fréquente l'ambassade de France. Et il va même songer s'en aller là-bas. Et c'est ses mécènes qui vont le retenir. Mais lui, il est prêt. Ouais. Il serait prêt à partir, aller s'installer à Paris. Alors, il voulait intituler sa symphonie Bonaparte. Il va changer d'idée. Et là, quand il va voir ce qu'il fait, lui, il va se transformer, comment dire, l'idéal de liberté, d'égalité, fraternité va rester, mais on va oublier Napoléon. Oui, on comprend bien. Cette fameuse troisième symphonie, cette symphonie héroïque, il la compose vers 1803-1804. Il faut dire que cette décennie-là, 1802-1812, c'est vraiment son âge d'or, énormément de grands chefs-d'œuvre. Cela dit, il va en composer, somme toute, quand on compare à Mozart, à Schubert, relativement peu de chefs-d'œuvre, de pièces, en fait. Pourquoi? Ça nous dit quoi sur sa manière de travailler? Mais tout à fait, Jacques, c'est très juste. Haydn a composé plus de 100 symphonies, Beethoven en a composé 9. Mozart et Schubert, malgré leur mort précoce, approchent chacun les 1000 œuvres. Beethoven a 138 numéros d'opus dans son catalogue officiel, c'est important de le dire, et 205 autres œuvres qui, elles, ne font pas partie de cette liste qu'on dit 100 numéros d'opus, W-O-O. Alors, il travaille énormément et chaque œuvre est une nouvelle aventure. J'y reviens, c'est important. C'est un chercheur. Ouais. Alors, il veut faire éclater la forme. On parle de la forme classique, mais il va trouver, on dit souvent que c'est dans la contrainte que naît la liberté, et ça s'applique parfaitement à Beethoven. Il cherche comment développer les thèmes, comment nous amener ailleurs. Donc, il met du temps. Ah, mais complètement. Et c'est incroyable. Il y a des partitions, et ça, on le voit, des manuscrits originaux, ils sont tellement raturés qu'ils sont percés. Ouais. il sent percé. Incroyable. Alors, tellement il a cherché. Il meurt à Vienne en mars 1827. Un petit mot sur cette mort qui va aussi, il faut bien le dire, faire partie de la légende, Mario Paquin. Oui, tout à fait. Alors, il est mort des suites d'une cirrhose, hein, on l'oublie parfois, liée à une abondante et régulière consommation de vin. Ouais. Beethoven, c'était pas un misanthrope. Hein. Chaque jour, il se faisait un devoir d'aller manger avec ses amis, d'échanger avec eux. Il est au courant de tout ce qui se passe. C'est un bon vivant. Et ça, c'est la partie, le côté négatif de cette légende qui en a fait un misanthrope, mais c'est pas le cas du tout. Alors, bien sûr, il est enfermé dans sa surdité, mais les récits des derniers moments sont nombreux qui vont donc contribuer à ce mythe de Beethoven. Il faut dire que Schubert va être l'un des porteurs de flambeaux qui entoure le cercueil. Et Schubert disait de Beethoven, il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore. Ouais. Et puis, il va donc complètement sourd, puis ça nous permet déjà d'aborder son héritage, nous laisser cette grande œuvre. C'est l'ode à la joie, l'hymne à la joie. C'est la meilleure manière de parler de l'héritage de Beethoven, Mario Paquin. Oui, tout à fait. Et là, c'est encore une fois cet idéal de fraternité entre les humains. C'est ce qui est dit dans ce poème de Schiller. Et c'est pas pour rien qu'on va reprendre en 1970, qu'on va en faire. C'était l'année du bicentenaire de la naissance de Beethoven, qu'on va en faire l'hymne européen. Ouais. Alors, on veut construire quelque chose de neuf. Et Beethoven, dans son humanisme, c'est ce qu'il porte dans cette musique. Et c'est unique dans l'histoire. C'est le premier qui va faire appel à un chœur et des solistes dans une grande symphonie. Alors, ça déborde de partout et Beethoven nous tire constamment vers le haut. Et on n'a pas fini de replonger dans cet univers qui est d'une richesse inouïe. Mario Paquin, c'était un plaisir de vous recevoir dans votre ancien studio, chez vous. Tout à fait, ça va trop vite. Merci beaucoup, Mario. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.